الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أحسن الفرق نف عندك؟ باطنية باطنية يعني. هي الباطنية وصف يطلق على أتباع إسماعيل بن جعفر، وقد تميزوا عن بقية الطوائف الشيعية باسم الباطنية. الباطنيون يقولون بأن نصوص الشرع عبارة وإشارات لها تأويلات باطنة يخالف ما يعرفه المسلمون منها، لا يعرفها إلا هم، كالجنة والنار واليوم الآخر. Fraction de parmi les chiites qui pensent que les textes ils ont une apparence autre qu'ils ont un sens autre que l'apparence elle montre et qu'ils ont des sens cachés que celui qui montre. C'était quelle page qu'il y avait à Batenir? Je sais pas. C'est des paroles de qui ça? Dictionnaire. Le bidaya, juste le début, Batania. وصف يطلق على أتباع إسماعيل بن جعفر. وقد تميزوا عن بقية الطوائف الشيعية باسم الباطنية، وهم يقولون بأن النصوص الشرعي عبارة وإشارات لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، لا يعرفها إلا هم. إيه، إيش كنا بدير دان فو؟ قرامته. قرامته وحجاب. نعم. رغمتو مش في الباطنية؟ ها؟ رغم الديسكو في الصلاة في الديسكو في الصيام. لا. كرامتا ها كرامتا الكرامتا كرامتا كان ظهور هذه الطائفة سنة 176 هجري بظهور ميمون بن ديسان الذي نصب للمسلمين حبائل، وكان يبطن المجوسية وكان يبطن المجوسية ويظهر الإسلام، وكان يجعل لكل آية تفسيرا ولكل حديث تأويلا، وجعل الفرائض والسنة رموزا وإشارات، وكان يخدم إسماعيل بن جعفر، وظهر أيام حمدان قرمط، فاجتمع وتساعد على نشر هذا المذهب الشنيع فسموا بالقرامطة، وهذان الشخصان هما المؤسسان لأصل هذا المذهب، ثم ظهر بعدهما بالدعوة الجنابي وهو أبو سعيد البهرامي الجنابي، وهو من أتباع حمدان قرمط، وقد طالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة، وأحبارهم مستقصات في التاريخ. وميمون بن ديسان كان مجوسيا من سبي الأهواز، وحمدان قرمط كان من الصائبة الحرانية والمنسوب إليهم قرمطي بكسر القاف قرمطي بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم، وأصل القرمطة والقرمطة عندنا القرمطة والله القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض، يقال خط مقرمط ومشي مقرمط. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح القصيدة النونية: القرامطة أصلهم شيعة ثم تطورت بدعتهم حتى قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطنا، فالعبادات من الصيام والصلاة والزكاة وغيرها لا يؤمر بها إلا العامة، فالأنبياء عندهم عوام وتابعوهم عوام، والدين الحقيقي هو الدين الباطني، وبذلك يسمون باطنين ولا يؤمر به إلا الخواص منهم. ثم عندهم نسبة كبيرة مع باطنية، قرابة كبيرة مع الكلوف. طيب نوصل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هؤلاء أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة يعبدونها، فلهذا إما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، إنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم. أخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاثة أمم. فهمتوا الإخوة ولا؟ فهمتوا؟ ولا يترجم؟ أنا j'ai plus ou moins compris mais les autres prophètes qui sont cités dans les versets. C'est que Shaykh, alors quand il dit Ashabul Aika, les gens de Aika, Aika c'est un arbre qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il a pas dit leur frère par rapport à de Nisba, il a pas associé la fraternité par rapport au fait qu'il les a appelés par le nom de la chose qu'ils adorent. Hein. Pour pas faire un lien comme ça de fraternité par rapport au fait qu'ils adorent. Il les a appelés par le nom de ce qu'ils adorent. C'est qu'il y a fi Maryam, il y a Ukht Harun. Yani fi l'Amal. Ukht Harun. يقول في مريم بعد يعني أخت في العمل أخت في في في النسب في العبادات وكلش مش أخت يعني في النسب مش أخت النسب شفنا أخترا الشرح هي أخت هارون في سورة مريم مع مروان أو سور دو هارون dans un verset يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء est-ce que يعني c'est sœur de Harun sœur dans l'adoration ou c'est sœur dans l'ascendance. Ça, on l'a vu c'est pas dans l'Ukht, c'est pas l'Ukht, c'est pas l'Ukht, c'est pas l'Ukht, c'est pas l'Ukht. Le cours, Inch'Allah, il y a un cheikh Sultan Aïd, il dit justement à des gens qui croient que Harun, c'est le frère de Moussa. Il dit qu'il y a entre Maryam et Ahd, Harun et Moussa, il y a un grand espace. بعد إن شاء الله نشوفه. طيب قول المؤلف رحمه الله الإيمان بالمسيح الدجال. ندخل dans un nouveau موضوع sur fait de croire fermement au مسيح الدجال. هاد ما نترجمة. عندي. إيه justement. بابا. faut avoir foi au مسيح الدجال. طيب. c'est bon. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في الشرح: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. Parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, croire fermement au Messie al-Dajjal, le faux Messie. وهو رجل من بني آدم يخرج من اليهود ويتبعه اليهود. Donc c'est un homme, un enfant d'Adam, c'est-à-dire c'est un être humain qui provient des juifs et qui va être suivi par les juifs. C'est le bien guidé qui est attendu par les juifs. Parce que le Mahdi, le bien guidé, tout le monde le prétend. Les Yahoud yad'ounahu. Le Mahdi yahum huwa le Messie ad-Dajjal. Les juifs ils disent, le Mahdi il est chez nous. Le Mahdi ça vient de Houda, ça vient de guidé. Ils le prétendent qu'il est chez eux. Et c'est qui ce Mahdi? C'est le Messie, le Messie ad-Dajjal. Les Shi'at yantazirouna le Mahdi, le Mukhtafa. في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه الشيعة également ils attendent le Mahdi qui est caché. السرداب ici dans le dictionnaire dit سرداب جمعه سراديب et disent cave sous-sol d'une maison galerie souterrain quelque chose qui est يعني على هذيك الشيخ دي مختفى مهدي المختفى السرداب جمعه سراديب donc il dit c'est المختفي نعم المهدي المختفي d'accord كما يقولون il dit c'est un descendant de Hussein وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة ils attendent aussi le Mahdi que le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé de sa venue أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى حديث dans des hadiths qui sont authentiques et qui sont متواتر qui sont متواتر عرفتم إن شاء الله في المعنى dans le sens il y a le متواتر في اللفظ متواتر في المعنى في اللفظ أعلى وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آل الحسن بن علي رضي الله عنه donc il dit c'est un homme de la descendance du prophète صلى الله عليه وسلم من آل الحسن de la famille de الحسن بن علي ça veut dire là une ascendance qui remonte au prophète parce que le Hassan, fils de Fatima, Fatima c'est la fille du prophète. يَخْرُجُ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ il va apparaître à la fin des temps. وَيُبَيِّعُهُ الْمُسْلِمُونَ les musulmans ils vont lui faire pacte d'allégeance et d'obéissance. وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ il va faire le jihad فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْلَهُ الْأَرْضَ عَدْلًا il va remplir la terre d'équité. وَيُصَلِّ بِالْمُسْلِمِينَ il va guider la prière, il va diriger la prière. وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ alors qu'ils sont dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il a rempli la terre d'équité et que Yusalli bin Nas, les gens lui ont fait pacte d'allégeance, wa hujahid fi sabilillah, yadhhar fi akhir az-zaman, etc. Il dit yadhhar, yakhruj al-masih ad-dajjal, le faux messie, il va apparaître. Fala yazalu al-muslimuna fi ana'in minhu hatta yanzil Isa ibn Maryam alayhi as-salatu was-salam aw alayhi as-salam fa hunaka masihan. Donc il dit les musulmans seront dans une ana, ana c'est une fatigue, une difficulté, voilà, souffrance, ils seront dans un état difficile jusqu'à ce que Isa alayhi salam il apparaisse. Donc il y a deux Masih. Premier, Masih al-Dalal wa huwa ad-Dajjal. Masih de la riwaya, de Dalal, de l'inhiraf, de la déviation, de la perdition, de l'égarement, qui est le Masih ad-Dajjal. Wa thani huwa Masih al-Hidayah wa huwa Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam. Deuxième, c'est le Masih du contraire de la guidée, qui est Isa ibn Maryam عليه الصلاة والسلام والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض pourquoi il a été nommé le Messie Dajjal pourquoi il a été nommé le Messie parce que il est rapide il se déplace d'une manière extrêmement rapide sur terre لأنه يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرض Allah va lui donner la capacité de pouvoir se déplacer d'une manière très rapide comme ça c'est une véritable tentation c'est un vrai mal c'est un semeur de troubles il a été nommé Dajjal sirat mubalagha ça vient de Dajjal wa Dajjal huwa al-kadhib le mensonge et quand on dit Dajjal c'est un mensonge qui est lourd quand il foulan Dajjal foulan kadhab Dajjal c'est plus lourd lian Dajjal huwa al-mubalagh voilà le cheikh il le dit ici al-mubalagh fi Dajjal wa huwa al-kadhib c'est quelqu'un qui est plongé profondément dans Dajjal qui est justement le mensonge. لِيَنَّهُ كَذَّبْ c'est un grand menteur. حَتَّى إِنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ à tel point qu'il va prétendre être lui-même Allah. وَيَفْتَتِنُ النَّاسُ بِسَبَبِهِ إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ les gens, ils vont être perplexes par rapport à lui, ça veut dire qu'ils vont être touchés par sa tentation, par le fait qu'il a des khawariq, des choses qui sortent de l'ordinaire, sauf ce qu'Allah il a raffermi. Il a avec lui un enfer, un paradis, un enfer. Il a khawariq, kharaqa, ça veut dire trouer quelque chose. Khawariq, ils disent khawariq al-adat, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire. Il a des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est comme si l'ordinaire, lui, il l'a trouvé. Il est passé à une étape suivante. D'accord ? Mushaf, quelqu'un est là ? Il y a ce verset-là, il y a ce mot-là, il vient de me venir là dans Sourate Luqman. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك نعم مشي في لقمان ولا تصعر خدك في الناس ولا تمشي في الأرض مرحا وين جت إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أصبت إسراء voilà, t'aimes chez l'ard et maraha, et n'a qu'à l'intérêt l'ard. Tu ne sauras jamais fendre la terre. Voilà comment je me traduis. N'a qu'à l'intérêt l'ard. Voilà, t'aimes le rajibal à toi. Tu ne pourras pas fendre la terre, tu ne pourras pas atteindre la hauteur des montagnes. Taïb, donc il dit Khawariq, Khawariq, Shaytaniya, les sept karamat. Donc il dit, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, ce sont des choses diaboliques. Ce n'est pas des karamat. Karamat, c'est quelque chose qu'Allah donne à ses alliés. Awliya. Awliya, il leur donne des karamat, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui proviennent de lui. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont fournies par le diable, des choses diaboliques. Allah il va faire en sorte qu'il est capable de faire ces choses-là, ou bien que ça lui arrive à lui. Pour que ce soit une véritable tentation et une vraie épreuve pour les gens. فَخَطَرُهُ شَدِيدٌ. Son danger, il est très grand. وَلِذَلِكَ حَذَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءُ. C'est pour ça que tous les prophètes, ils ont averti de Dajjal. وَأَكْثَرُ مَنْ حَذَّرَ مِنْهُ نَبِيُّنَا. صحو, hein? خطأ. نَبِيُّنَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم. Celui qui a plus mis en garde de lui, contre lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمَرَنَا أَن نَسْتَعِيدَ مِنْ فِتْنَتِهِ فِي صَلَاتِنَا فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ. Il nous a ordonné de demander protection à Allah contre sa discorde, sa tentation dans notre prière à la fin du tashahud. حَيْثُ نَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. Demande protection à Allah contre quatre choses. مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ, châtiment de l'enfer. مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, châtiment de la tombe. فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, châtiment de la vie, bien plutôt l'épreuve de la vie et l'épreuve de la mort. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, et l'énorme tentation du faux messie. وَفِتْنَةٌ وَفِتْنَتُهُ هِيَ أَكْبَرُ فِتْنَةٍ تَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc l'épreuve du Masih al-Dajjal, c'est la plus grande épreuve qu'Allah va faire en sorte qu'elle se passe sur terre. هذا هو المسيح الدجال. Voilà donc en manière concise qui est le Masih al-Dajjal. وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم. Alors qu'il sera dans cet état-là, ça veut dire qu'il a semé le trouble au milieu des musulmans, il leur a causé une gêne énorme, il leur a causé du tort, et il ce sera une véritable épreuve pour eux. Alors que le Masih Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra du ciel, il va rechercher, il va se mettre à la recherche de le Masih al-Dajjal, jusqu'à ce qu'il va le trouver, il va l'exterminer. ويريح المسلمين منه يريح ويريح المسلمين منه نادي يريح ça veut dire quoi? Ça vient de raha, hein? Il va leur accorder, il va les reposer de le Masih, il va les débarrasser de le Masih, soulager de le Masih. ويتولى الامر, il va s'occuper, يعني il va prendre la direction des choses. ويعدل في الارض, ويعدل في الارض, il parle de qui? Isa alayhi salam. Il va juger avec équité sur terre, il va remplir la terre d'équité. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبِ, il va casser la croix. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرِ, et il va tuer le porc. ولا يبقى دين إلا دين الإسلام. Ne restera comme religion que la religion de l'islam. تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقى إلا الإسلام. La voix des juifs et des chrétiens et les différentes milal, les différentes religions, différentes fractions, etc. vont voir fin à leur vie. Il ne restera que l'islam sur terre. وَيَحْكَمُوا بِشَرِعَةِ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il va appliquer la législation du prophète صلى الله عليه وسلم وَيَكُنُوا تَابِعًا لَهُ. Ce sera un de ses suiveurs. لِيَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas de prophète après Muhammad ibn Abdullah عليه السلام. وَالْمَسِيحُ إِنَّمَا يَنْزِلُ تَابِعًا لِلرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. Le Messie, il va descendre en tant que suiveur du messager صلى الله عليه وسلم. وَحَاكِمًا بِشَرِعَتِهِ شَرِعَةِ الْإِسْلَامِ. Et en tant que quelqu'un qui applique la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sharia de l'islam. هذا هو ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول المسيح. Voilà ce qui va y avoir en relation avec l'apparition du Dajjal, Messie Dajjal, et l'apparition du Messie Isa ibn Maryam. وسمي عيسى مسيحا قيل لانه يمسح ذلعاها فيبرا باذن الله. Il dit donc عيسى il a été nommé Messie parce que il essuie يمسح ذلعاها. C'est quoi l'aha? La peste, la blessure, non? La blessure. Les yeux. Non? Les yeux, non? Là, c'est quelqu'un qui a un handicap. En général. L'aha. فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il va être guéri avec la permission d'Allah. وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ça fait partie de ces miracles. Qui? Et pourquoi il dit alayhi salatu wa salam? C'est un nabi. Eh, c'est un prophète. Donc là, alayhi salatu wa salam, il n'y a pas de problème. Annahu yamsahu biyadihi ala al-a'ma wal-abras wal-akmah. Fayazulu maraduhu bi mashatihi alayhi salatu wa salam. Wa lidhalika summiya al-masihu bi ma'na al-masih. Donc il dit, il va essuyer avec sa main al-a'ma. Donc l'a'ma, c'est celui qui est aveugle. Ou l'abras. Les preux, c'est ceux qui ont... C'est ça? Maladie ta... Non? Ah ouais, c'est la peau, oui. Abras. Ou l'akma, non? Ah, il est essuyé sur... donc l'a'ma, l'aveugle, abras. Et l'akma? Celui qui est pas... Non? ما يهدرش لا هذا الأبكم هذاك إيه أكما قلناها لا دغنا فوا avant la naissance ça veut dire l'aîné aveugle الأعمى من طرأ عليه الكفاف من طرأ عليه العمي celui qui lui a paru la وشمو لا La perte de la vue, trahta à Kinger Sam, le faux, ouais, chir, je vais aller. Le faire couper une akma ou l'a'ma arfa. Mantara alayhi l'umi. Ça veut dire il a perdu la vue en cours de vie. Amma l'akma, c'est quelqu'un qui est né aveugle. Le verset, il y a plusieurs versets où Allah cite ça sur les miracles de Isa, tu guérissais par ma permission l'aveugle né, chauffe-vous, si on traduit comme ça, l'aveugle né, akma, wa l'abras, et le lépreux, d'accord, c'est bon, abras donc c'est le lépreux, wa l'akma, fayazoul maradhu, donc sa maladie, surat 5 verset 110, si vous voulez un shahid, yani un ayah, tadullu ala hada, n'am, man tara alayhi l'kafaf ou l'umi, c'est pareil, kafaf, tu dis fulanun kafif ou l'basar, il est aveugle. Fulanun darir, il est aveugle. Fulanun a'ma, il est aveugle. Fulanun akma, il est aveugle. Tout ça c'est des... Il y en a بعض فروق certains... 110 à quand? Maïda 110. Il y a d'autres versets mais celui-là qui... donc sa maladie elle disparaît à travers le mis'ha, à travers le fait qu'il essuie. Hein? Il essuie, la maladie elle disparaît. Tout ça bi'idhnillah, comme c'est cité dans le verset. Tubriu l'akma wal abrasa. بإذن الله إذن ضد فرسال تبرئ الأكمه والأمرص بإذني وتحيي الموتى بإذني etc. ولذلك سمي المسيح بمعنى الماسح. Donc il a été nommé le Messie dans le sens que il essuyait. D'accord. Non. Messie. نظن ايه صيغة مبالغة فصيح مسيح والله je peux pas dire à 100% mais ça doit être ça hein. مسح مسح صح اي افير بارك الله فيك. طيب ensuite قال المؤلف رحمه الله والايمان بنزول عيسى لمريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. Donc, comment c'est que c'est plus répandu qu'on entend par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on entend sallallahu alayhi wa sallam, et sur les prophètes qui étaient venus auparavant, on entend plus souvent alayhi sallam. والله اشتهرت je pense الله تعالى اعلم اشتهرت ما عند العلماء يقولوا فلان عليه السلام يعني سي الشيخ ابن عثيمين دون شرح عقيدة اهل السنة que lui il a écrit il dit c'est واجب على النبي صلى الله عليه وسلم c'est مستحب لبقية الأنبياء à cause يعني des hadiths qui sont venus Bakhil l'avare celui que j'ai été évoqué près de lui il a pas prié sur moi tu vois c'est des choses qui sont rapportées sur lui أما le fait que c'est tu spécifies عليه السلام sur les autres prophètes اشتهرت هكا على ألسن العلماء جماعة طبيعي يعني دكسبليكاسيون لاتسيو الشيخ عبد الكريم الخضير يدي ك ابن حجر يسيت ابن حجر النووي يسيت ك سي سي ديتيستابل دو دير عليه السلام او بيان ان دي دو سولمون الصلاة والسلام باسكو الله يدي القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يدي النووي يدي سي ديتيستابل دو دير ان دي دو سولمون اي ابن حجر il a cité derrière lui comme quoi c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps. Tout le temps dit alayhi salam, Rasul alayhi salam, alayhi salam. Hada c'est des safi haqqo. Même un wahdi le fait de temps en temps, la base. Allez, je fais un défi charh, un mimiya de. Comment il s'appelle de Hakami. Puis Adab al-Talab, Adab al-Talab al-Ilm et tout. Hua salam, al-Nabi sallallahu alayhi sallam, sallash alayhi. Cheikh Abdel Karim Khodair il a dit ça. Cheikh Abdel Razak al-Badr il a dit la'allahu nasi. Il est peut-être qu'il a oublié salat, il a cité que salam. Wallahu a'lam. Non? C'est normal. Il faut avoir foi en la descente de Isa, fils de Maryam alayhi salam. Il descendra tuer Dajjal, l'antéchrist. Et il se mariera et priera derrière le chef des musulmans de la famille de Mohammed. Et il mourra et sera enterré par les musulmans. قال الشيخ وفقه الله الشرح قوله هو الإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام donc avoir croire fermement au fait que عيسى عليه السلام il va descendre وهو من علامات الساعة الكبرى qui fait partie des signes de l'heure les signes majeurs de la fin des temps نزوله يعني من السماء le fait qu'il va descendre c'est-à-dire du ciel لأن الله رفعه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون. Donc sa descente, c'est-à-dire du ciel, Allah il l'a élevé. Quand les Juifs ils ont voulu le tuer, ils sont venus vers lui. يُبَاشِرُ قَتْلَهُ مُبَاشِرَةَ الْقَتْلِ ça veut dire le tuer de eux-mêmes. Hein? Passer à l'action, si on peut dire. وَصَلْبَهُ ils ont voulu le crucifier. وَدَخَلُوا عَلَيْهِ se sont approchés de lui, sont rentrés auprès de lui. Allah il l'a élevé. Hein? وهم لا يشعرون. Comme ce qu'on a vu l'autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti devant eux. Parti faire le hijra devant eux, ils l'ont pas vu sans qu'eux ne s'en rendent compte. Wa alqa shabahahu ala rajul. Et il a fait en sorte que il y a une personne, un homme, qui ressemble à Isa alayhi salam. Hein? Judas. Le cheikh il va expliquer un bad. Je me rappelle la semaine dernière, j'avais lu à l'avance, il va expliquer. Il dit faqatalu dhalika ar-rajul yadhunnuna annahu al-masih. Donc ils ont tué cette personne, ils ont dit on a tué le Messie. وليس هو alors que c'est pas lui. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Sourate Nisa sourate 4 verset 157. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il aurait apparu de la sorte. شبه لهم. فألقى الله شبهه على هذا الرجل. Allah il a fait en sorte qu'il y a une personne qui lui ressemble, il a fait en sorte que la ressemblance justement apparaisse sur une personne. Une personne qui a pris la ressemblance de Isa alayhi salam, c'était pas lui. Qila, il a été dit que لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه. Il a été dit que c'est parce que c'est cet homme-là, il leur a dit Isa il est à tel endroit, il leur a indiqué où le trouver, etc. Donc, c'est lui qui a subi cette chose-là. فَعَقَبَهُ اللَّهُ Allah l'a puni de cette manière. وَقِيلَ Il a été dit, إِنَّهُ مِنْ أَتْبَعِ عِيسَى مِنَ الْحَوَارِيِّينَ قَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيُلْقَى عَلَيْكَ شَبَهِ وَتَكُونُ لَكَ الْجَنَّةِ Donc, il faisait partie des suiveurs de Isa parmi les Hawariyin. Hawariyin, nous avons dit qu'il y a un Ansar, Hawariyin, man Nasara, Isa alayhi salam. Les apôtres, comme ils traduisent Huma, ceux qui ont soutenu, qui l'ont secouru, etc. Isa alayhi salam, il lui a dit Sayulqa alayka shabahi. La ressemblance. Tu vas me ressembler, si on peut dire. D'accord. Voilà, tu vas prendre mon apparence. Watakunu lakal jannah. Et tu seras. Takunu lakal jannah. Et tu seras rétribué par le paradis. Fasabar al rajul. Watakabbala hada shabah. والقتل والصلب لأنه يريد الجنة بذلك. Il a patienté, cet homme a patienté, a accepté cette épreuve. Il a été tué et crucifié car il voulait le paradis. Quoi, c'est des théories ou c'est. قيل يعني طائفة من العلماء ils ont dit ça, طائفة من العلماء, théorie comme tu dis. C'est un Judas, tu vois. C'est un traître justement, tu vois. Ils estiment que. Traître. Ils estiment les premiers comme quoi il l'a trahi, tu vois. Voilà, puis après c'est. قوله ينزل فيقتل الدجال il va descendre et va tuer الدجال il parle de عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لد وهو مكان معروف il va tuer الدجال à cet endroit là باب لد donc qui est un endroit qui est cheikh dit il est connu يطلب عيسى بن مريم عليه السلام الدجال عيسى بن مريم à la recherche de الدجال il va le trouver فإذا رآه ذاب quand il va le voir il va fondre كما يذوب الملح في الماء comme le ciel se fond dans l'eau. Je coule ciel comme le sel il fond dans l'eau. Milh. ثم يدنو منه فيضربه بحربته فيقتله. Ensuite il va s'approcher de lui, Isa alayhi salam, de nous, c'est se rapprocher d'eux. Hein? فيضربه بحربته, il va le frapper avec une harba. Voilà, la lance. فيقتله, il va le قوله يتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il va se marier, عيسى عليه السلام, il va prier derrière. Qui va traduire ça? خلف القائم من آل محمد. Il ira derrière le chef des musulmans de la famille. قوله يتزوج جاء في بعض الآثار لكنه لم يثبت. الشيخ دي, c'est rapporté dans certains récits, mais ce n'est pas authentique. إنه يتزوج, qui va se marier. روي عن ابن عباس انظر فتح الباري وعمدة القاري عمدة القاري j'avais regardé كما قال لي خالد هذا هو شرح صحيح البخاري c'est explication de صحيح البخاري de بهاء الدين العيني quelque chose comme ça le nom de l'auteur عمدة القاري souvent on a dans la marche عمدة القاري c'est une explication de فتح une explication de صحيح الإمام البخاري donc il dit يتزوج il dit c'est pas rapporté authentiquement أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت Il dit le fait qu'il va prier derrière le Mahdi, ça c'est rapporté authentiquement. Parce que يتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد. Le قائم من آل محمد, c'est le Mahdi عليه السلام. أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت. يطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين. Le Mahdi va se retirer en lui demandant de diriger la prière, mais il va refuser. لأنه ينزل وقت صلاة الفجر. Il va descendre au moment de la prière de الصبح. والمسلمون مجتمعون للصلاة. Les musulmans ils seront réunis pour faire la prière, pour faire la salat. فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْمَهْدِي أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمُسْلِمِينَ Le Mahdi va lui dire, تَقَدَّمْ, avance et dirige-toi la prière. فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْمَهْدِي أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيَقُولُ الْمَسِيحُ لَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَئِمَّةٍ Il dira, non, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَئِمَّةٍ Certains d'entre vous, pour une autre partie, vous êtes des guides. فيصلي خلف المهدي. Ça veut dire, il va refuser. يعني. حديث رواه مسلم في الصحيح أو في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه فينزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. Il dit en fait, عيسى عليه السلام il va descendre et le dirigeant, c'est-à-dire le Mahdi, va lui dire viens. Et il dirige la prière. Il dira non, certains d'entre vous, par rapport aux autres, vous êtes les dirigeants. C'est une noblesse, c'est un takrima, karam, c'est un honneur pour cette communauté. والقائم هو المهدي. Donc ici, le Cheikh le dit, أنا يصلي خلف القائم من آل محمد. القائم دي هو المهدي. محمد ابن عبد الله. Il s'appelle محمد ابن عبد الله. محمد fils de عبد الله. اسمه كاسم الرسول عليه الصلاة والسلام. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم. واسم أبيه كاسم أبي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو من بيت الحسن ابن علي رضي الله عنه. Fait partie de la descendance de الحسن. حسن ابن علي رضي الله عنه. قالوا الحكمة والله أعلم. Ils disent, يعني la sagesse qu'il y a là-dedans, Allah Ta'ala a'lam, anna al-hasana, radiyallahu anhu, lamma tanazala anil khilafati li mu'awiyah, radiyallahu anhu, min ajli haqni dima'i al-muslimin, akramahu Allah, faja'ala al-mahdiya min dhurriyatih. Le fait que al-hasan, khilaf anta'ahu, a duré environ 6 mois, ensuite il a refusé, ou il a laissé la place à Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, pour pas qu'il y ait justement de discorde, hein, pour protéger, préserver les sangs, haqna dima al muslimin, préserver les sangs le sang des musulmans. Allah il l'a rétribué en faisant en sorte, il l'a honoré en faisant en sorte que le Mahdi, il fait partie de sa descendance à lui. ثم قال قوله ويموت ويدفنه المسلمون. Il mourra et sera enterré par les musulmans. Il mourra et sera enterré par les musulmans. هذا في القرآن قال تعالى وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Donc il dit ça, c'est cité dans le Coran. فهو يموت كما يموت سائر البشر. On va voir le verset. Surat An-Nisa 4, verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Avant sa mort. Taïb. Il dit donc, surat 4, verset 159. Fahoua yamout. Le Cheikh dit, il va mourir. Isa alayhi salam, il va mourir. Kama yamout ou sa'ir al-bashar. Comme tous les humains, ils meurent. Wama ja'alna li bashari min qabli kal khuld. Afa imitta fahum al-khalidun. Surat al-Anbiya, surat 21, verset 34. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? فَهُوَ يَمُوتُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَخِرُ عُمُرِهِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ. Il va mourir, Isa alayhi salam, à la fin de sa vie, comme Allah lui a prescrit, وَيَدْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ كَمَا يَدْفِنُونَ مَوْتَهُمْ. Ils vont l'enterrer comme ils enterrent un partisan parmi eux, ou un mort parmi eux. مكان في المكان المعروف سوسة؟ لا لا هذا في دمشق باب اللود مسجد وصلب. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. شيخ نجم يزيد وأنه ينزل عند صلاة الفجر فبنيغ فجر على المنارة الشرقية في مسجد دمشق بين مهرودتين ثوبين واضعا يديه على أجنحة ملكين mettant ses mains sur les ailes de deux anges فينزل ويجد الناس ينتظرون صلاة الفجر يبغى les gens en train d'attendre la prière du فجر فيريد أن يقدمه إمامهم فيأبى. Imam qui dirige la prière, il va lui demander de diriger la prière, il va refuser. فَيَأْبَا ثُمَّ يُصَلِّ بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَيَتَّبِعُوا الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَفِي يَدِهِ حَرْبَةِ فَإِذَرَاهُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ سَاحَ كَمَا يَسِيحُ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيَأْمُرُ بِكَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ فَيُوعِبُ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ. Ensuite, il s'attarde. Il cite la même chose, juste là, il précise que il descendra عند المنارة الشرقية في مسجد دمشق دونك أدمس دمس في سوريا. شوف رياض لا تلقاه باش يقول شغل أنه يقول الشيخ أنا أنه يتزوج إلا قال الشيخ نجمي شي حاجة أنا أنت هنا أنا المتن دونك الشرح يجي الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم صار لنا في plusieurs fois الإيمان آمن فلان أي صدق بالجزم جازم في تصديقه ça veut dire qu'il a vérifié d'une manière certaine il y a pas de doute ou bien il est pas c'est à dire qu'il a vérifié d'une manière ferme الذي معه ائتمان ولا يعتريه شك quelqu'un qui est sûr يعني de ce qu'il est en train d'entreprendre et il n'est pas exposé au doute فيقال آمن له أي صدقه آمن له ça veut dire qu'il lui a صدقه c'est à dire il lui a dit tu dis vrai وما أنت بمؤمن لنا سورة يوسف ce qu'ils ont dit les enfants du père de Yusuf عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سورة يوسف سورة 12 verset 17 وما أنت بمصدق لنا أي لست بمصدق لنا tu ne nous croiras pas ils lui ont dit إن ذهبنا نستبق تركنا يوسف عندما تأنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين on est parti on a laissé Yusuf auprès de nos affaires et le loup l'a mangé mais même si on te dit ça même si on te dit la vérité tu ne croiras pas on n'a pas lu le matin hein on n'a pas lu le matin attendez le chef mais on n'a pas lu le matin on n'a pas lu c'est Qara Abdallah ou Qara il faut croire que certes l'iman la foi consiste en parole qaoul et en action amal et en action et parole en attention niya et bu et saba, elle augmente et diminue, elle augmente comme Allah le veut, et elle peut diminuer au point qu'il n'en reste plus rien. طيب. Donc, وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا. فآمن له لوط. سورة العنكبوت. سورة 29 verset 26. يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Parce que لوط عليه السلام c'est le neveu de Ibrahim عليه السلام. صدق عمه. فآمن له لوط. C'est-à-dire qu'il a déclaré vrai. Son oncle Ibrahim alayhi salam. L'autre a déclaré vrai ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Amma l'iman fi shara. Donc ça c'est fi l'ugha. Fi shara. Walou. Ta'arrad. L'iman fi shara. Dans la législation. Fa innahu huwa i'tiqadun bil qalb. Donc c'est une conviction avec le cœur. Wa nutqun bil lisan. Prononciation avec la langue. Wa amalun bil jawarih. Et c'est un acte, ou bien ce sont des actes avec les membres. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Il augmente avec l'obéissance, il baisse avec la désobéissance. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. L'iman proviendra que, يعني, de ces choses réunies ensemble. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا. Celui qui croit avec son cœur. Croit, tu fais moi à chaque fois quand on dit iman, je m'en ai. تصديق جازم. Celui qui croit avec son cœur. Et qui ne croit pas avec sa langue, il ne déclare pas avec sa langue, il n'est pas mu'min. Yann Allah Jalla wa'ala qala fil kuffar, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadhibunak, walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun. Surat 6, Surat al-An'am, verset 33. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets d'Allah, le Coran, que les injustes, رني وقال في فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر سورة إسراء سورة 17 verset 102 il dit tu sais fort c'est à propos de Pharaon il dit tu sais fort que ces choses les miracles seul le Seigneur des cieux et la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes et certes ô Pharaon je te crois perdu c'est Moussa qui parle وقال جل وعلا عن الكفار الذين كذبوا بآياته يا الله il a dit à propos des kuffars qui ont démenti ces miracles ces signes وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سورة النمل verset 14 ils les nièrent injustement et orgueilleusement tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude سورة 27 verset 14 فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله المرجئة croire avec le cœur seulement ça suffit pas comme le prétendent المرجئة c'est-à-dire المرجئة disent que ça suffit ici الشيخ dit لا يكفي donc هذا رد عليهم كما تقوله المرجئة المرجئة disent que l'Iman بالقلب يكفي ok pas comprendre de travers comme tout وليس بإيمان. يدي الشيخ يدي سيبا سيبا كونسيديري كوم إيمان فقط في القلب. ها إيمان في القلب. وكذلك الإيمان باللسان أيضا لا يكفي. Quelqu'un croit seulement avec sa langue, ça suffit pas. Il y en a هذا إيمان المنافقين. Parce qu'il dit ça, c'est la croyance des منافقين, des hypocrites. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Surat al-Fath 48, verset 11. Ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. والإيمان بالقلب والقول والإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضا كما تقوله بعض المرجئة. Le fait de croire avec le cœur et parler avec la langue. قول ou non? Le قول est صحيح. Donc il dit croire avec le cœur, parler avec la langue, ce n'est pas également ce n'est pas suffisant comme le disent certains mordia. هذا لا يكفي لا بد من العمل بالجوارح. Faut impérativement agir avec les membres. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال هذا كافر. Il dit celui qui croit avec son cœur et sa langue. Il dit avec son cœur je crois, avec sa langue il proclame qu'il croit, il ne fait pas la prière, jamais, il ne jeûne pas, il ne fait pas le pèlerinage obligatoire, il ne fait pas un acte quelconque. Il dit ça c'est un mécréant. Même s'il croit avec sa langue, il déclare croire et il prononce, ça veut dire il prononce cela et il a la conviction dans son cœur. وأن محمد رسول الله يديش تيموان كنا دودين دات حضوريك الله كمحمد المساجي لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا. Celui qui délaisse les actes sans excuses valables fait de lui un non-croyant. إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل. Sauf s'il délaisse les actes par contrainte, il est contraint ou bien il a oublié ou bien il est ignorant. وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل. Ou bien quelqu'un qui est rentré dans l'islam et il n'a pas pu œuvrer. لم يتمكن من العمل. فإن أسلم ثم مات في الحال فهذا لا يحسب عليه العمل. Il dit quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui meurt tout de suite après, comme le juif qui était voisin du prophète sallam, celui-là on dit pas kafir لأنه il n'a pas œuvré. Il n'a pas eu le temps d'œuvrer. Il n'a pas eu l'occasion d'œuvrer. Il dit شيخ أسلم, il est rentré dans l'islam puis il est mort في الحال tout de suite. هذا لا يحسب عليه العمل. Là, on ne peut pas considérer, hein, on ne peut pas dire, il lui manque l'acte. Il l'avait dans le cœur, il a prononcé avec sa langue, mais il n'a pas œuvré, donc kaf. Là, il est excusé. كَذَلِكَ الْمَخْبُولِ فِي عَقْلِهِ هَذَا لَا يَتَمَكَّنْ مِنَ الْعَمَلِ. Quelqu'un qui a fait un grain. مَخْبُولِ فِي عَقْلِهِ. D'accord. لَا يَتَمَكَّنُ هَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعَمَلِ. Celui-là ne peut pas œuvrer. أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا ليس بمؤمن. Quelqu'un qui peut œuvrer mais qui l'a laissé à l'absolu, n'a rien fait, n'a pas œuvré, هذا ليس بمؤمن. Cela n'est pas un croyant. وبعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف مسألة رابعة وهي اتباع السنة. Certains ont rajouté encore قول باللسان وعمل بالأركان اعتقاد بالجنان واتباع السنة. Ils ont rajouté quatrième. يقولون إيمان قول واعتقاد وعمل والسنة. Les quatre ensemble. يعني اتباع السنة يخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة. Sorte de cette définition en fait, cette définition elle englobe des gens qui fait sortir les innovateurs qui n'appliquent pas la sunna. إنما يعملون وإنما يعملون بالمحدثات. Ils font des choses, ils œuvrent des choses qui sont nouvelles, choses qui ne sont pas existantes dans la sunna. وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله نية وإصابة. Ce qu'a cité l'auteur ici dans نية وإصابة, intention, c'est-à-dire sincérité, وإصابة, conformité. أي عمل بالسنة. نية وإصابة, أي عمل بالسنة. C'est-à-dire conformité avec la sharia, avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمنا. Celui qui fait des choses qui sont non conformes, des innovations, des choses nouvelles, etc., n'est pas considéré comme مؤمن. ويزيد بالطاعة. هذا من تمام التعريف. Pour compléter la définition, من تمام التعريف يزيد بالطاعة. إيمان il augmente avec l'obéissance. أن الإيمان يزيد بالطاعة وهذا صريح في القرآن. Ça c'est clairement explicite dans le Coran. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Allah va ajouter à ceux qui ont pris le chemin de la guidée, de la guidance. Maryam, surat 19, verset 76. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ce verset-là est sur les mu'minines. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Les vrais croyants sont ceux, quand Allah il est évoqué, leur cœur frémisse, et quand on leur cite ces versets-là, ces versets, leur iman, il augmente. Surat Al-Anfal 8, verset 2. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Surat Al-Muddathir, pareil, verset 31, surat 74, verset 31. هَذَا صَرِيح أَنَّ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ. C'est clair, c'est apparent, comme quoi l'iman, il augmente à travers les obéissances. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Il descend avec الْمَعَاصِي, avec les péchés. لِيَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَزِيدُ يَنْقُصُ. Ce qui augmente, ce qui accepte l'augmentation, il accepte de diminuer. وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Donc il dit un hadith, celui qui الذي لا ينكر المنكر, celui qui ne réprouve pas le mal, le blâmable, les choses qui sont interdites, etc., avec son cœur, il n'y a pas derrière cela, il n'y a pas, sur le fait que la personne ne réprouve pas avec son cœur, ça veut dire qu'il n'y a plus de iman, il n'y a plus rien. Voilà, habbatu khardal, ne serait-ce que le grain de moutarde qui m'a traduit sur ma fille français. Hadith rawah muslim, apporté par l'imam muslim. C'est le que je cherche là. Pour terre. Rappelez le 185 là de Riyad Salih, qu'on n'a pas trouvé le chef. C'est ça la référence? L'imam yaf. Après, Inch'Allah, on va voir pas. وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. Hadith authentique, comme quoi le prophète Hassan il a dit, va sortir de l'enfer celui qui a moins dans son cœur, celui qui a moins que mithqal habba, que le poids d'un grain de khardal, de moutarde, min iman. De iman. رواه البخاري في الصحيح ومسلم رقم كذا وكذا عن أنس رضي الله عنه. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. Il dit donc, ça montre que l'iman il descend jusqu'à ce qu'il soit vraiment très très minime. وقال تعالى هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان. Dans un verset, Allah il dit هم للكفر, ils sont la traduction c'est mieux, surat 3 verset 167. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent. Le 467. Voilà, toi, frère. On a l'air. هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Surat Ali Imran 3, verset 167. عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب. Ils ont une foi qui est faible, très faible. Ils sont plus proches de la mécréance. فدل على أن الإيمان يضعف وحتى إن صاحبه يكون أقرب للكفر والعياذ بالله. Ça montre que l'iman il baisse à tel point que la personne elle est plus proche de la mécréance que de l'iman. هذا معنى قوله رحمه الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. Que l'iman il descend à tel point qu'il peut atteindre un niveau si bas que il ne reste plus rien. ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقد يبقى منه مقدار حبة خردل. مقدار حبة تي. Donc il va descendre à tel point que il va rester l'équivalent de d'un grain de moutarde. وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من النار. Ça va être profitable pour l'auteur de l'iman hada qui est restant, même s'il est vraiment très minime, il va faire sortir cette personne de l'enfer. وإذا لم يبقى حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. S'il ne reste même pas le poids d'un grain de moutarde, il fera partie des adeptes de l'enfer qui vont y rester éternellement. Pour ceux qui dans la définition, ils ont rajouté sunna. On a vu ceux qui les croient par exemple à un des piliers de l'humain, il est mécréant. نعم. comment on fait alors pour ceux qui c'est pour les mubtadi'in et tout. الذي يظهر والله أعلم تحتاج لك نظر في كلام الشيخ النجمي. المبتدعين ينقسمون إلى قسمين, ceux qui ont بدعة مكفرة qui les fait sortir de l'islam, et المبتدعة qui sont encore dans le caractère de l'islam. Et comme ils disent les savants, ولكل درجة مما عملوا, chacun selon ce qu'il a œuvré. والله أعلم. ذلك الشيخ يعني l'a rajouté, il a dit comme il a dit le مؤلف. Mais en grande généralité, Ta'arif que tu trouves min l'ulama, il cite pas yani tiba as-sunna ou kada. Monsieur, question c'est, ils étaient toujours là plus proche de la méfiance que de la foi. C'est-à-dire ils avaient très très très peu de foi et ils étaient pas loin de la méfiance. Hada, l'aya hadi fi ghazwat Uhud. Donc je vais... C'est-à-dire ils étaient plus proches, enfin ils avaient la foi. Attends, je vais lire le verset. Oui, numéro 167. Et de ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent. Ça doit être Uhud. Allusion à la bataille d'Uhud. C'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants, qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah, repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions. Si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait bien fort ce qu'ils cachaient. Allah Ali. C'était dans la foi. Mais... Ils étaient, cher, qu'est-ce qu'il dit Fawzan ? Il dit ils étaient dans la foi, mais d'une manière vraiment minime. C'est-à-dire proche de... C'était pas loin de la mécréance, mais... Pas loin de la mécréance, plus proche de la mécréance que de la foi. Mais ça demande à revoir Tafsir pour approfondir. Parce que cher, quand il ramène les textes à dos, il veut nous prouver que l'iman, il monte et il descend. Il n'est pas en train d'expliquer le verset 1 à 1, montrer que l'iman il descend et il monte. C'est pas par rapport à Kamel, l'iman ou l'iman al-wazir. Il y a juste, il rade al-murji'a, il rade al-firq, les sectes qui disent que ça ne bouge pas, et il montre des textes qui montrent ça. Mais l'ayat, tu as la nadar yani fi tafsir pour voir exactement le maqsoud wa shnu huwa. Allahu a'lam. Ça va là, Inch'Allah. Quelqu'un veut rajouter Haja? وقفنا هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عصام tu devais pas ramener le karamita non ah c'était moi j'ai vu en fait j'avais entouré mais j'étais pas sûr sérieusement j'ai zappé après.